Bonjour, monsieur. On m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. C'est une catastrophe. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi, ça s'est passé quand et où ? Dans le parc de loisirs ce matin, vers 11h. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement. Il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé, il me l'a rendu, il m'a remercié et il est parti. À ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire la personne ? C'est un peu difficile, parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. C'est-à-dire ? Je mesure 1m75. Il était brun. Franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? Tous mes papiers. Une carte bancaire. Vous avez fait opposition ? Oui, tout de suite. J'avais aussi un peu d'argent liquide, environ 60 euros.